cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-allama al-shaykh Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. قال الاحتجاج على الدين بتفريط المسلمين ظلم مبين. قال لصاحبه مكتشفا له عن الحامل له على ذلك: يا أخي ما هذه الأسباب التي حملتك على ما أرى؟ تقدم معنا في المقدمة أن هذين الرجلين c'était des amis et ils se sont séparés pendant une certaine période. Thumma, ils se sont rencontrés et un d'eux il a changé. Alors qu'ils étaient à la sunna et il faisait des efforts fil ilm. Lakin, un des deux, après une longue absence, quand il a retrouvé son ami, il avait changé. Ayyadan billah, il avait une mauvaise opinion par rapport à ce din et des doutes. Bel, il a choisi de suivre al-kafara, a'da'ul islam, les ennemis de l'islam. Enfin, son ami, هنا il lui demande: يا أخي ما هذه الأسباب التي حملتك على ما أرى؟ C'est quoi les causes? لماذا tu as ou tu veux délaisser din l'islam? Qu'est-ce qui s'est passé? وما الذي دعاك إلى نبذ ما كنت عليه? C'est quoi la cause qui fait que l'un tu veux rejeter هذا الدين alors que tu croyais, alors que tu faisais des efforts? قال فإن كان خيرا. Il demande des explications et celui qui conseille: فإن كان خيرا كنت أنا وأنت شريكين وإن كان غير ذلك فأعرف من عقلك ودينك وأدبك أنني وأنت لا نرضى أن تقيم على ما يضرك. حكمة كما تقدم معنا للدرس ده كشف الشبهات. اعلم رحمك الله هذه الرحمة tu la ressens في كلام الناصح celui qui conseille. أولا نستفيد la façon. Vous avez remarqué, non, il ne s'est pas précipité. Il demande à Oualan les causes. Il y en a, si tu veux conseiller, tu dois conseiller par rapport à l'état de la personne. Enfin, si tu connais les causes de son égarement, ou de son manquement, ou de ses faiblesses, enfin, tu vas pouvoir conseiller par rapport à ses manquements. Amma, tu le conseilles dans une chose qu'il maîtrise, dans une chose qu'il fait. Là, chaque, il n'y aura pas une grande maslaha. Il n'y aura pas beaucoup de bien pour هذا الشخص. النصيحه c'est par rapport à l'insan, par rapport au شخص que tu conseilles. Et on a cité هذا في المقدمة. يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فمعاذ, avant que le Nabi صلى الله عليه وسلم l'ait envoyé au Yémen, le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a cité, lui a montré c'est qui هؤلاء. À qui tu vas conseiller? قوم من أهل الكتاب. Des gens du livre. Et ils ont un livre. Ils ont certaines choses qui sont haq. Maintenant, ils reconnaissent qu'Allah, c'est le créateur, il a akhiré. Enfin, Mu'ad, il va s'appuyer sur ça, il va leur montrer. Il va leur montrer leur égarement, il va les appeler à din l'islam. Ah, ça c'est muhim. Mais se lancer dans le nasiha, tu ne connais même pas l'état de cette personne, tu ne sais même pas c'est quoi son égarement ou son manquement. Il a akhiré sans le laisser parler. Ah, ça c'est pas min al-hikma. Enfin, nasi'una, il pose des questions à son ami, son frère qui veut conseiller, et il va le laisser répondre. Thumma, il va baser son conseil par rapport à ses éléments. Et ça, c'est muhim fi ad-da'wa. قال فأجابه صاحبه قائلا. Celui qui a dévié, celui qui a faibli, sallallahu alayhi wa sallam. قال لا أكتمك أني قد رأيت المسلمين على حالة لا يرضاها ذو الهمم العلية. أولا قوله لا أكتمك تقدم معنا. الكتمان c'est le fait de cacher. أي يقول هنا je vais rien te cacher. Ça nous montre كما تقدم معنا أن celui qui a des faiblesses et واحد il lui propose de le conseiller, de l'aider إلى آخره, فمontre lui ton حال أخي الكريم. Cette situation c'est pas une situation où on doit cacher. Là c'est une force عظيمة. Quand il veut t'aider, quand il veut te montrer, facilite tes problèmes. Il n'y a aucune honte. On a tous des faiblesses, on a tous des manquements. Ce frère, Ah, ou pour les sœurs, cette sœur, tu le connais ou tu la connais, et tu sais qu'il veut ton khayr, fais lui mal, lui cacher. Si tu lui caches des choses, il ne pourra pas t'aider dans certaines choses. Et je vais rien te cacher. Il va lui citer la cause ou les causes de son changement. أني قد رأيت المسلمين على حالة لا يرضاها ذبو الهمم العلية. أي à cause de l'état des musulmans, il s'est aperçu que l'état des musulmans il était critique, ça l'a repoussé. C'est pour ça que le titre il est important, الاحتجاج على الدين بتفريط المسلمين ظلم المبين. الاحتجاج, vous connaissez le mot حجة. Et la preuve, al-hujja, al-burhan, vous connaissez le mot dalil. Al-ihtijal, c'est prendre comme hujja, et comme argument. Al-ad-din, al-ihtijal ou al-ad-din, bi-tafrid al-muslimin. Et critiquer la religion en prenant comme argument les actes des musulmans. Ça, c'est grave. Léan al-muslim, il n'est pas ma'assoum, il n'est pas infaillible, il peut se tromper. Al-Muslim peut avoir des faiblesses, Al-Muslim il peut s'égarer. Enfin, celui qui veut comprendre l'islam, il doit revenir au texte de l'islam, aux sources, aux bases, Al-Qur'an, Al-Sunnah, et comme ils l'ont appliqué à Sahaba, radiyallahu anhum. Et à l'époque du prophète, alayhi salatu wasalam, celui qui veut comprendre ce dîme, il doit revenir à cette période. Amma, wahid, il se base sur les faits et gestes d'un musulman ou de plusieurs à notre époque, là. Peut-être que ce musulman il vole, peut-être que ce musulman il ment, peut-être que ce musulman il boit, peut-être que ce musulman il fait beaucoup de choses mauvaises, il a un mauvais comportement. Fafi hadha al-hal, on ne dit pas hadha al-din il n'est pas adapté, ou hadha al-din il n'est pas pour nous, abadan. Enfin, c'est ça sa hujja. Sa hujja, c'est l'état des musulmans, vu qu'il est critique, il a décidé de choisir al-kafara. Li'anna, pour lui, leur état il est meilleur. قال أرأيتهم في جهل وذل وخمول. Il explique أنه il a été touché par l'état de la communauté, l'état des musulmans. أرأيتهم جهل وذل وخمول. L'ignorance, كذلك ils sont humiliés, كذلك ils font pas d'efforts. قال وأمورهم مدبرة وأحوالهم سيئة وأخلاقهم منحلة. Mauvais comportement, ils sont dans une très mauvaise situation. Qala wa qad faqadu ruh ad-din wa ad-dunya jami'an. Wa hada c'est pas sahih. Ba'd an-nas ils exagèrent. Sahih an l'état des musulmans, la chaque an la communauté là, la période qu'on vit, c'est une période de faiblesse. Dans beaucoup d'endroits, certains croyants ils sont humiliés. Hada la chaque vie. Et personne ne renie ça. Amma généralisé, comme il le fait, fahada c'est pas sahih. Ça nous montre que quand واحد il est dans une situation et il prend comme argument telle chose, ça ne veut pas dire que ses arguments ils sont vrais. Ah oui, ils sont acceptables. Fala chacun al muslimin ils sont vidwa vila akhir, et ça donne une mauvaise image de l'islam. Lakin dire prétendre annahum faqadu. Faqadu ça veut dire ils ont perdu. Ils ont perdu quoi? Ruh ad-din wa ad-dunya jami'an. Ils ont perdu leur religion et dunya. Ce n'est pas sahih. Bal ba'd al-muslimin, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de choses, et ça les éloigne de leur din. Vous verrez que beaucoup, cet homme qui a faibli, qui a dévié, yadam billah, il est touché par l'apparence. On vit dans une situation de pauvreté, on n'a pas de nouvelles technologies, il a akhri hada al-kalam. Amma des problèmes fi din la shak, et kadalik des problèmes fi dunya, lakin généralisé, on a tout perdu, fa hada c'est pas sahih. Al-khayr il est hasil. Surtout la tansou anna hada al-kalam, c'est à l'époque de Cheikh Saadi. Cheikh Saadi rahimahullah, il est mort sanat 1376. Il est mort en 1376. Ça fait à peu près 60 ans. Naam, si tu enlèves les 40 ans de ce siècle, 1400, et tu enlèves encore 30 ans du siècle passé, ça fait naam, plus de 60 ans. presque 70 ans. Et كذلك cette risala, Cheikh Saadi, il l'a écrit bien avant sa mort. هنا في الحاشية à la première page en dessous de المقدمة المحقق نبه أن هذه الرسالة نشرت أول مرة en 1367 10 ans avant la mort du Cheikh. Elle a été propagée, donc peut-être qu'elle a été écrite encore 10 ans avant, donc ça fait à peu près 80 ans هذا الكلام, à peu près أقل أو أكثر. Et هذا الشخص décrit la situation de la communauté. Mal un, là, je sais que ça s'est empiré dans certains endroits et ça s'est amélioré dans d'autres. Ala kulli hal, généraliser, c'est pas payé. Là, comme les musulmans, ils ont encore du khayr, alhamdulillah, des masajid qui sont construits tous les jours, alhamdulillah, katir min al-mu'minin, ils donnent de l'importance à certaines adorations, ils aiment le khayr, ils aiment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils aiment le Coran, qabla dhalik, ils aiment Allah. Lakin, là, je sais qu'il y a des faiblesses. Ces faiblesses, et هذا سيأتي معنا, لكن pour vous résumer, ces faiblesses, il y a une solution pour les rectifier, pour les réparer. Amma prétendre qu'il n'y a plus de khayr comme certains y font, attends, longtemps l'un, comme on en parlait avec Abad al-Ikhwa, Al-Bard, ils disent qu'il n'y a plus de différence entre la France et le Maroc ou l'Algérie. Peut-être qu'ils sont proches de la sunna ou ils sont à la sunna, lakin bisabab al-jahl. Ils prétendent, pourquoi faire le hijra dans tel pays? C'est devenu pareil, ou presque pareil. Ça, c'est min al-jahl. Ha'oula, ils ne connaissent pas le hijra, et ils ne connaissent pas haqiqatu din l'islam. Et ils ne connaissent pas mujtama'at al-islami al-ohad. À comparer un bilad muslim avec un bilad kufr, c'est min al-zulm. Limaada, li'anna al-muslim, même s'il a dévié, même s'il a faibli, il reste du khayr. C'est un mouhid, c'est un mu'min, il a l'iman. Kadaïk bilal muslimin, alhamdulillah, masajid, al-jumu'ah, tu le sens, ramadan, tu le sens, tu sens que les gens, ils aiment Allah, ils aiment le rasoul et l'akhir. Lakin, il y a des faiblesses, beaucoup de faiblesses. On doit tout faire pour améliorer ces faiblesses. Amma généraliser, iyadam billah, comme hada shakhs, il a été très très loin. Il a délaissé l'islam, les madal, les muslimines, ils ont dévié. Pourquoi lui, il n'applique pas? Pourquoi? Mathalan, Wahid, il a cette pensée. Enfin, on lui dit, tu penses que tout le monde est égaré, tout le monde. Enfin, toi, applique. Fais salah, fais siyam, fais le hajj, fais l'umrah. Apprends ton din, applique le tawhid, tu seras à la khir. Est-ce qu'ils vont t'enlever tes hasanat? Abadan. Hakada, certains frères qui disent que le Maroc, l'Algérie, certains pays, c'est comme Bilal Kouf, c'est comme la France, donc je ne fais pas les hijra tant que je n'ai pas été dans tel pays. Man kallafa, qui c'est qui t'a imposé hada? S'il y a des faiblesses dans les pays que tu as cités, enfin viens dans ce pays et fais du khayr. Montre aux gens. Amma rester عند الكفار et dire مثل هذا الكلام, c'est pas طيب. انظروا هذا الشخص dans quel niveau il a atteint, عياذا بالله. قال وقد فقدوا روح الدين والدنيا جميعا ورأيت في الجانب الآخر هؤلاء الأجانب. الأجانب, c'est les étrangers. Et هنا المراد بالأجانب c'est le كفار, أي l'Occident. وهؤلاء الأجانب قد ترقوا في هذه الحياة وتفننوا في الفنون الراقية والمخترعات العجيبة المدهشة والصناعات المتفوقة. هذا الذي ذكرنا, c'est ce qu'on a cité ensemble, أن هذا الشخص اغتر بالدنيا. Vous avez remarqué qu'il a cité que des choses de dunya. Ils ont beaucoup avancé dans la technologie. Ils ont inventé des choses. Et on répète, c'est il y a plus de 50 ans, peut-être 80 ans. C'est akthar le niveau qu'ils ont atteint. قال فرأيتهم قد دانت لهم الأمم وخضعت لهم الرقاب وصاروا يتحكمون في الأمم الضعيفة بما شاءوا ويعدونهم كالعبيد والأجراء. أي هؤلاء الكفار, ils ont atteint un haut niveau dans les technologies, dans l'armement, إلى آخره. Ils ont pris le dessus sur les autres et ils humilient les autres communautés. نعم. فهو تأثر بهذا. Il a eu des doutes. Si on est à la haq, pourquoi on est humilié? Ça montre son ignorance. Est-ce que la solution, c'est de les suivre? La solution, là, la solution, c'est de régler les problèmes de la Ummah. حتى on retrouve notre honneur, notre force إلى آخره. قال فرأيت فيهم العز الذي بهرني والتفنن الذي أدهشني. Vous avez remarqué que à chaque fois il dit فرأيت فرأيت. فرأيت ça vient de رؤية. Ça montre la gravité de se mélanger à أهل الكفر. لأن مثل هذا الرجل il serait resté dans son pays. À l'époque, il était في الجزيرة في الحجاز. Il serait resté هناك. ولا شك أنه il n'aurait pas été touché par elle, il n'aurait pas vu tout cela. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné aux croyants de faire l'hijra, de délaisser Bilal al-Kufr. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a insisté. C'est pour ça que l'ulama il met en garde hatta le fait de voyager. لماذا لأن الإنسان قد يغتر. وهنا أولاما أتيت به, on le lira la prochaine fois, كلام للشيخ ابن عثيمين, on l'avait lu في شرح الأصول الثلاث مع بعض الإخوة في باب الهجرة, أنه إلى السيتي رحمه الله أن البعض من المملكة العربية السعودية quand ils ont été étudiés que ce soit aux États-Unis ou en Europe اغتروا بالكفار et كذلك ما رأوا ce qu'ils ont vu هناك إلى آخره ils ont eu des doutes, بل بعضهم خرج من الإسلام, ils ont délaissé leur دين. لماذا لأنهم اغتروا, la gravité de se mélanger avec هؤلاء. قال فرأيت فيهم العز الذي بهرني والتفنن الذي أدهشني فقلت في نفسي لولا أن هؤلاء القوم هم القوم وأنهم على الحق والمسلمون على الباطل لما كانوا على هذا الوصف الذي ذكرت لك. فرأيت أن سلوك سبيلهم واقتدائي بهم خير لي وأحسن عاقبة, هذا الذي صيرني إلى ما رأيت. عياذا بالله, il a conclu أن s'ils sont vraiment à la batil, pourquoi ils sont élevés et ils ont le dessus sur les autres, et si les musulmans ils sont à la haq, pourquoi ils sont humiliés et ils sont rabaissés. ثم il a démontré أنه c'est pour cela qu'il a choisi leur voie et il a délaissé l'islam. عياذا بالله. Ça nous montre la gravité de mettre comme mizan, comme référence pour le bien et le mal الدنيا. Ça c'est très très grave. لأن الله عز وجل celui qui l'aime, il lui donne l'ilm, il lui donne l'iman, يوفقه للعمل الصالح. قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إيمان وعلم, الله اللي دنا سكيلام. أما الدنيا فالله سبحانه وتعالى يعطيها لمن يحب ومن لا يحب. الله سبحانه وتعالى يدن الدنيا سكيلام السكيل دتست عز وجل. لكن vous avez remarqué que هذا الرجل sa référence, son mizan pour juger les choses c'est الدنيا. Vu qu'ils ont la الدنيا ils sont à la حق. Vu que les musulmans on n'a pas beaucoup de الدنيا, beaucoup de pays musulmans ils sont pauvres, il a conclu que c'était une preuve qu'ils n'étaient pas sur la vérité. On fait attention. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما افتلاهم. Allah quand il aime un peuple il les éprouve. Les éprouve avec la pauvreté, les éprouve avec la famine, avec la sécheresse, avec les guerres, avec لماذا لأنه يحبهم, ils ont des péchés, ils ne font pas de tauba. Allah subhanahu wa ta'ala il leur veut le khair, il les éprouve حتى يرجعون. Combien de nas ils font tauba à cause de la pauvreté, combien de personnes ils ont demandé pardon. لماذا لأنهم ils ont vécu une épreuve, une guerre إلى آخر. وكمين الناس انحرفوا, ils ont oublié leur dîn à cause de الدنيا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هكذا قال عز وجل. إذن كفار إذن حتى يزولي لغ الدين. استدراج ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. يغوز et Allah سبحانه وتعالى يغوز il leur donne حتى يزولي لغ الدين. Le jour où ils meurent ils trouveront un châtiment énorme. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. Cette dunya pour nous c'est comme un sijn, c'est comme une prison. On est éprouvé, il y a certaines choses qui sont interdites, certaines choses qu'on doit faire. La bout de min sabr, comme celui qui est en prison, il doit patienter. Et le kafir, c'est cette dunya, c'est sa jannah. Comme s'il était fil jannah. Il fait ce qu'il veut, il n'est pas limité par des ordres, par des interdictions. Hatta yamut, et iyadan billah, il goûtera au châtiment d'Allah azza wa jalla. Cheikh Saadi, rahimahullah, il va répondre. Et il va conseiller هذا الرجل فتأملوا الجواب. فقال له صاحبه حين أبدى ما كان خافيا. الشيخ سعدي رحمه الله il va citer قول الناصح, celui qui conseille. Celui qui conseille, celui qui s'est fait leurrer par هؤلاء الكفرة. إذا كان هذا هو السبب الذي حولك إلى ما أرى فهذا ليس من الأسباب التي يبني عليها أولو الألباب والعقول عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم ومستقبل أمرهم. Il manque un ta avant le qaf. Musqbal, il manque mustaqbal. Rajouter un ta. فالناصح, celui qui conseille, هنا يقول أن cette cause qu'il a cité, la cause, on la résume, أنه, vu que l'état de la communauté est critique, il a conclu que les musulmans ne sont pas à la haq. Et vu que les kuffars, ils ont avancé, leurs pays sont beaucoup plus développés, ils sont à la haq. النصيح يقول له أن cette مقدمة, cette base, ces causes qu'il a citées, c'est batil. Ça nous montre que les causes d'égarement, c'est que l'insan, il pense une chose vraiment qu'elle est haq, et thumma, il construit des choses sur cette base. Puis il s'égare. C'est pour ça qu'au départ, c'est important, l'ilm. قَالَ فَهَذَا لَيْسَ مِنَ الْأَسْبَابَ الَّتِي يَبْنِي عَلَيْهَا أُولُو الْأَلْبَابُ وَالْعُقُولُ عَقَائِدَهُمْ. Est-ce que c'est une preuve, هذا, que Fulan, il a inventé telle chose, ou que tel pays sont développés, est-ce que c'est une preuve qu'ils sont à la haq? Aïna al-Qur'an? Aïna al-Sunnah? Aïna manhaj al-Salaf? Tout ça, on l'oublie, les malades, les anahaoulais, ils ont inventé telle chose, il a akhiré. Et kadhalik, vous avez remarqué que, et kadhir min al-Nas, ils sont hakada quand ils faiblissent. Vous avez remarqué que quand il a cité l'état des musulmans, il a cité que les mauvaises choses. Anahum, ils sont kadha, jahl, dhul, khumul, il a akhiré. Il a cité que les mauvais côtés. Quand il a cité les kuffars, il a cité que les bons côtés. Kadhir min al-Nas, ils ont été touchés par hada. C'est un manque de insaf. Et c'est pas juste, هذا. Et on l'entend aujourd'hui. بعض الناس qui vivent en Europe, quand ils viennent ici, au Maroc ou en Algérie, مهم dans un pays musulman, خاصةً ceux qui sont originaires de ce pays. مثلا les Marocains quand ils viennent au Maroc, ou les Algériens, ou les Tunisiens quand ils vont en Tunisie. Vous avez déjà remarqué, non? Quand ils viennent, ils regardent que les défauts. Telle route, il y a telle chose, le feu, il marche pas, Foulen, il n'a pas respecté la priorité, le policier, il m'a dit, il remarque que les mauvaises choses. Tout le khair, quand il entend l'adhan, ça le fait même pas bouger, Rabbama. Ça, c'est un manque de insaf. Quand Foulen, il passe dans la rue, il lui dit, assalamu alaikum, il répond, wa alaikum salam, il oublie cette ni'ma azim. Wallahi, que ce salam, que ce musulman, il va te passer, ou anta, tu vas passer dans la rue, peut-être que tu vas passer le salam 10, 20, 30 fois dans la journée. Wallahi, ça vaut bilat le kufr wa ma fiyah. Pour celui qui donne de l'importance à son dîn. Fi bilat le kufr là, tu ne peux pas dire salamu alaikum. Illa quand tu rencontres un musulman. Illa, enfin, dans certains endroits, la plupart c'est des kafaras, tu ne peux pas passer le salam. Tu ne peux pas entendre l'adhan. Entendre l'adhan et répondre. Thumma faire le dua, c'est une ni'ma. C'est une ni'ma azim. Mais ils oublient tout ça, ils citent les mauvais côtés. Et le haqiqa, celui qui est juste, et en France, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes cadaliques dans certaines routes, il y a des problèmes avec certains policiers, il y a beaucoup d'injustices, il y a des menteurs, il y a des voleurs. Il a... Est-ce que le vol, c'est que dans le pays musulman? La corruption, c'est que dans le pays musulman? Il y a des choses, c'est pire. Mais le manque de justice. La différence, c'est quoi? C'est cette base. Il y a les aides sociales et il n'y a pas. C'est ça le farq. Et celui qui dit l'inverse, il n'est pas juste. Wallah, il y aurait ces aides ici. Et avec l'hôpital gratuit, il a arrêté. Et ce que les gens, ils veulent, ils prennent comme exemple ou comme base, faqat, ils ne diraient plus tout ça. Et il leur enlèverait leurs aides, l'argent. Tu verrais que le discours, il change. Alors que le musulman, ce n'est pas un abd. للدرهم والدينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار أن السيكة كان يدن إليه بيان يدن با إليه موضعي يدن بالله قال الشيخ donc ça c'est un tambih muhim أن pour être juste et vouloir comprendre plutôt pour vouloir comprendre il faut être juste أما tu cites que les bons côtés d'une chose et les mauvais côtés d'une autre Alors que là, il faut détailler, voilà, chaque que tu auras du mal à la fin à avoir un jugement clair. قال الناصح فاسمع يا صديقي تمحيص هذا الأمر الذي غرك وحقيقته. أي il va lui montrer, il va lui détailler, il va lui prouver أن ses arguments ils tiennent pas debout. بإذن الله عز وجل. قال إن تأخر المسلمين فيما ذكرت ليس ناشئا عن دينهم فإنه قد علم كل من له أدنى نظر وبصيرة أن دين الإسلام يدعو إلى الصلاح والإصلاح في أمور الدين وفي أمور الدنيا ويحث على الاستعداد من تعلم العلوم والفنون النافعة. الناصح celui qui conseille هنا il lui montre أن le problème ça vient pas du din. Le problème il vient de certains musulmans. Ah non, on est d'accord. Lakin, dire que le din il est pas bien, ayyadun billah, et on suit al-yahoud wa al-nasara wa al-mulhidun, ça c'est min al-khusran al-mubin. Hona il lui montre anna hada ça n'a rien à voir avec din. Bel ad-din, il nous appelle, il nous recommande de faire des efforts, que ça soit fi al-ilm, que ça soit fi umur al-dunya, que ça soit dans le bon comportement. Mathalan, pour résumer, pour avancer dans la technologie, pour développer un pays, enfin, il faut s'écarter de la corruption, il faut se lever tôt, il faut travailler, il faut faire des efforts, il faut avoir une mu'amala tayyiba, ne pas voler, ne pas mentir, t'avanceras très très vite, les gens ils vont se faire confiance, et ça va se développer akthar. C'est pour ça que dans certains pays, ils ont du mal à avancer, les malades, il y a beaucoup de corruption, beaucoup de mensonges, ils se font plus confiance, ils ne font pas d'efforts, ils ne se lèvent pas tôt. Allez, ah, là, ils n'avancent pas. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: et dans un autre hadith, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ay, an al-baraka. Al-baraka, comme on t'a dit dans le dars kashubat, c'est le khayr. Quand Allah met du khayr dans une chose, c'est fi al-bukur, ay, c'est tôt. Ça nous montre que l'islam nous encourage à nous lever tôt et à faire des efforts tôt, que ça soit fi l'ilm ou fi dunya. Celui qui veut avancer. كذلك قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Soyez véridique. Que ça soit dans le commerce, que ça soit dans tout. والنبي صلى الله عليه وسلم il nous a mis en garde contre صفات المنافقين. أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. Quand il donne un rendez-vous, il ne vient pas. Quand il parle, il ment. Tout ça, ça fait du mal. Et c'est ce qui nous fait beaucoup de mal dans certains pays à cause de certains musulmans. Si on aurait suivi ces préceptes de l'islam, chacun dans les pays musulmans, il n'y aurait pas beaucoup de mensonges, ou il n'y en aurait pas du tout, sauf certains, il n'y aurait pas de corruption, les gens ils se lèveraient tôt, ils feraient des efforts. Chacun, on aurait dépassé al-kafara, bi'idnillah azza wa jal. Qad yaqul qa'il, mais les kafara, ils le font, les mada, pas par rapport au din. Pourquoi ils font tout pour s'écarter du mensonge dans le commerce, et être juste dans le commerce, les mada? Ils ont une maslaha azima dunyawiya. Pour faire tourner leur commerce, ce n'est pas l'Allah Azza wa Jal. C'est des kafara. Lakin, ils ont pris hadha li annahum, ils ont une maslaha. Nahnu, on doit le prendre, pas que pour la maslaha là, awwalan lillah. On espère la récompense et en même temps, alhamdoulilah, ça va nous apporter du khayr. Fa fil haqiqa, c'est les kafara qui ont pris certaines choses des muslimines. Et ils avancent en apparence. Et ça leur sera d'aucune utilité. Amma prétendre qu'ils sont à la shayy et nahnu, on n'a rien. Hadha, c'est min al-dhun. قال ويدعو إلى تقوية القوة المعنوية والمادية لمقاومة الأعداء والسلام من شرهم وأضرارهم ولم يستفد أحد منفعة دنيوية فضلا عن المنافع الدينية إلا من هذا الدين. Dans ce din, il y a tout le bien. Le Nabi صلى الله عليه وسلم, tout le bien nous l'a montré. Et tout le mal, il nous a mis en garde contre le mal, comme a dit le hadith. Les faiblesses qu'on a, c'est pas à cause de notre din. Iyadam billah, le bard, il pense que on est arriéré, c'est à cause de hada. On est toujours au masjid, on fait des efforts fil Qur'an, on fait des efforts fil sunnah, alors que les kuffars, ils sont montés, ils ont marché sur la lune, il a akhir, des mensonges. Et il pense que c'est ça le développement. Là, al-baraka li fi dinillah. Plus les musulmans, ils feront des efforts fil din et mettront en application, plus ça ira mieux. قال وهذه تعاليمه وإرشاداته قائمة لدينا تنادي أهلها هلما إلى الاشتغال بجميع الأسباب النافعة التي تعليكم وَتُرَقِّيكُمْ فِي دِينِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ. On a cité l'exemple, se lever tôt. Se lever tôt, l'islam nous encourage à hada pour avancer vite dunya dans notre dîn et la akhira. Enfin, celui qui veut le khair, il applique. Amma wahid, il se lève tard, ou une partie de la communauté se lève tard, ils ne font pas d'efforts. Seulement, on critique le dîn. Là, il faut être juste. C'est eux qui ne font pas d'efforts. Amma dîn, il nous a montré, walillahi alhamd. Qala, afabitafrit al-muslimin, tahtadju ala dîn, inna hada lahu al-zulm al-mubin. Hakada qala al-nasih. Il a dit, il lui a dit à celui qui conseille, est-ce que tu prends comme argument tafrit al-muslimin, les faiblesses, les manquements des musulmans, tu les prends comme argument contre le din? Hada la shak, c'est pas de la justice. Ça c'est de l'injustice. Qala inna hada la huwa adh-dhulm al-mubin. Qala alaysa min qusur an-nazar wa min al-hawa wa at-ta'assub an-nazar fi ahwal al-muslimin fi hadhihi al-awqat التي تدهورت فيها علومهم وأعلامهم وأخلاقهم وفقدوا فيها جميع مقومات دينهم. وهذا في نظر أنهم فقدوا فيها جميع مقومات دينهم. Si c'est par rapport à ce qu'il a dit Al-Mansour pour lui répliquer, فلا بس وإلا فهذا لا c'est pas صحيح. أنهم même s'ils ont atteint un état de faiblesse, ils n'ont pas perdu جميع مقومات دينهم. لا. Ils ont des faiblesses, et al-khayr walillah, alhamdulillah, hasil, même s'il a beaucoup faibli ce bien. Lakin alhamdulillah, il reste du khayr. قال وترك النظر إليهم في زهرة الإسلام والدين في الصدر الأول حيث كانوا قائمين بالدين مستقيمين على الدين سالكين كل طريق يدعو إلى الدين إليه الدين. هنا الناصح il lui démontre أن pour lui montrer أن le problème ça vient pas de l'islam. لماذا؟ لأن ceux qui ont mis en application هذا الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم الله سبحانه وتعالى les a élevés في دينهم ودنياهم حتى en quelques années الإسلام il s'est répandu في الجزيرة وفي المشرق وفي المغرب il s'est répandu جدا. لماذا؟ pas avec l'épée, pas qu'avec ça. لا كثير من الناس ils sont rentrés via الدين. لماذا؟ لأن الناس دين العدل. Ils ont vu le bon comportement et ils ont vu les efforts, enfin, ils ont accepté Hadad-Din. Les Madaniyana, ils ont su que c'était pour leur bien. Ça nous montre que Hadad-Din, c'est pour notre bien. Mais les faiblesses que les musulmans ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont délaissé une partie de leur din. Et ils ont des faiblesses dans l'application de leur din. Hadad. قال فارتقت أخلاقهم وأعمالهم حتى بلغت مبلغا ما وصل إليه ولن يصل إليه أحد من الأولين والآخرين ودانت لهم الدنيا. C'est la meilleure période. C'est la meilleure génération. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. C'est la meilleure période, la meilleure génération qui ait eu sur terre. La période de notre prophète صلى الله عليه وسلم et de ses compagnons رضي الله عنهم. قال وخضعت لهم أقوى الأمم الروم والفرس. C'était des royaumes très puissants à l'époque, les Perses, les Romains et la آخرة. فخضعوا للمسلمين والمسلمون très vite ils ont eu le dessus. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رفعهم. Et ils ont avancé dans beaucoup de domaines. Al-Muslimoun, que ce soit la médecine, que ce soit l'écriture, que ce soit beaucoup de choses, ils ont avancé plus que les autres. Les Malaliyanoum, ils mettent en application leur dîn. À cette époque, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, l'islam il s'est répandu kathiran, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est encore répandu, alors que l'Occident, ils étaient fi faqr, wa huroub, des guerres, la pauvreté. Ils vivaient l'époque du Moyen-Âge. Et les musulmans, ils avaient avancé beaucoup plus que Al-Kafar Ali. Ils ont appliqué leur dîn. Notre époque, Al-Kafar Al-An, dans certains domaines, ils se sont développés, ils ont avancé, pas parce que nous on applique l'islam, là. On a des faiblesses fi tatwiq l'islam. C'est ça le jawab al-sahih. Qala, ودانت لهم الدنيا من مشارقها إلى مغاربها وخضعت لهم أقوى الأمم وذلك بالدين الحق والعدل والحكمة والرحمة وبالأوصاف الجميلة التي كانوا عليها. نعم هذا إلى démontrer les causes pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé la première génération. Ils ont appliqué dinul haq, l'adl, ils étaient justes, al-hikma, ils avaient de la hikma, al-rahma, ila akhir. Et ils ont appliqué dinul Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit l'aqaïd, que ce soit l'a'mal, que ce soit l'akhlaq. Et kadalik al-mu'amalat. Les croyances, kadalik les faits et gestes, kadalik le bon comportement, kadalik al-mu'amalat avec les autres, tout ce qui est commerce, transaction, c'était fondé sur le kitab wa sunnah, donc c'était fondé sur la justice. قال أليس ضعف المسلمين في هذه الأوقات يوجب لأهل البصائر والنجد منهم أن يكون جدهم ونشاطهم وجهادهم الأكبر متضاعفا ويقوم بكل ما في وسعهم لينالوا المقامات الشامخة ولينجوا من الهوة العميقة التي وقعوا فيها الهوة الحفرة أي الفوسي أي pour sortir de ce fossé dans laquelle la communauté elle se trouve à cause de ses faiblesses, la seule solution c'est de revenir à notre din. Est-ce que la solution c'est d'avoir des doutes, délaisser notre din et de suivre Al-Kafara? Même s'ils se sont développés économiquement dans l'industrie, dans les nouvelles technologies, ils détestent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils critiquent le Coran, ils se moquent de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils détestent le sharia, ils détestent le hijab, ils détestent l'adhan, ils détestent le muslimin, ils détestent notre histoire. Tout ça, on va l'oublier et on va le délaisser pour les suivre, les annahum, ils ont avancé économiquement, iyadam billah. Là, ça nous montre, celui qui a ce mizan, l'aqid, la croyance, la foi, et il juge les gens par rapport à cela, alhamdulillah, c'est très simple. Al-kafir, il ne croit pas en Allah, il ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne croit pas au Coran, il déteste la sharia de nos prophètes alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Là, il n'a aucun poids pour nous, même s'il marche sur la lune. Ça ne nous change rien, on le déteste fillah. Amma celui qui regarde qu'au niveau de dunya, ala shakannahu, il peut être touché, iyadam billah. Qala, alaysa hadha min afrad al-fara'id wa alzami al-lazimat fi hadha al-hal, fal-jihad fi hal quwwati al-muslimin wa kathrati al-musharikin fi lahu fadlun 'azim yafuq as-sa'ir al-ibadat. Fa kayfa idha kanu 'ala hadhihi al-halah allati wasafta? Fa inna al-jihad la yumkin at-ta'bir 'an fada'ilihi wa thamaratihi. هنا الشيخ إلى سيدة الجهاد vous allez comprendre pourquoi. قال ففي هذا الحال يكون الجهاد على قسمين. Normalement dans ce cas, quand on est en faiblesse, l'état de la communauté il est très mauvais dans certains endroits, on est touché par beaucoup de maux, par beaucoup de faiblesses, في هذا الحال on doit revenir au Coran et à la Sunna et appliquer هذه العبادة العظيمة الجهاد. لكن il va citer qu'il y a deux cas et c'est important هذا. قال أحدهما السعي في تقويم المسلمين وإيقاظ هممهم وبعث عزائمهم وتعليمهم العلوم النافعة. Ça c'est un jihad عظيم. Vous avez remarqué qu'avant d'avoir cité l'autre jihad avec les armes il a akhiré An-Nasih, il a cité ce point. Et pour retrouver notre force, notre puissance et ne pas être attiré par les koufas, on doit faire ce jihad. Et faire des efforts, faire l'ilm. Revenir à la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال وتهذيبهم بالأخلاق الراقية وهذا أشق الأمرين. Ne remue pas, ça fait du bruit. قال وتهذيبهم بالأخلاق الراقية وهذا أشق الأمرين وهو أنفعهم وأفضلهم. Vous avez remarqué que, comme on a cité هذا أولا. الشيخ الألباني كان رحمة الله عليه يركز على هذا كثيرا. Il appelait هذا التصفية والتربية. Avant d'éduquer les musulmans, avant de pouvoir prétendre faire kada, se développer, avancer, أولا التصفية. Un nettoyage. أولا بالعلم. Les problèmes de notre communauté ne viennent pas à cause de la pauvreté. أبداً. Les problèmes de notre communauté, ils viennent à cause de da'wat al-sufiyya wal-rafidah. À cause du shirk, à cause de l'adoration des tombes, à cause des khurafat, à cause du sihr. C'est ça le problème de notre communauté. Enfin, nettoyer déjà tout cela avec l'ilm, avec da'wah, thumma, on pourra passer à autre chose. Vous avez remarqué que dans certains pays musulmans, كثير من المسلمين, vu qu'ils n'ont pas étudié هذه da'wah al-mubaraka, da'wah ahl sunnah, manhaj al-salaf, maintenant ils vont se plaindre que dans tel pays musulman, il y a de la corruption, il y a du vol. Il y a Foulan, il a un mauvais comportement, Foulan, il ment. Ça, c'est grave et on doit mettre en garde. Lakin, plus important que cela, mettre en garde contre shirk. Les tombes qui sont adorées mindounillah, tu trouves qalil min al-nas qui mettent en garde contre hada. Ça montre une faiblesse dans le da'wah. Ba'd al-ulama, il appelle at-takhliya qabl at-tahliya. Takhliya, ça veut dire s'enlever une chose avant at-tahliya. Vous connaissez le mot huli, c'est les bijoux, les parures. Et avant de s'habiller, de mettre une chose, il faut déjà se nettoyer. Hakad al-umma. Avant d'avancer, il faut déjà faire un nettoyage. Jihad ou neuf, chacun fait le jihad sur lui-même. Et si chacun fait ce jihad sur lui-même, on avancera avec Ibnallah Azza wa Jal. قال والثاني السعي في مقاومة الأعداء إعداد جميع العدد القولية والفعلية والسياسية الداخلية والخارجية ولمناوئتهم والسلامة من شرهم ثم quand on aura appliqué le premier ثم pour appliquer هذا le deuxième. أما الآن comment هؤلاء سيصبرون على هذا الجهاد alors qu'ils sont attirés par dunya. Ba'dhum ils demandent aux morts. Ba'dhum ils vont encore voir les sorciers. On a un dha'f kabir fi hadha. Fa comment penser à appliquer le deuxième? Appliquer le premier jihad, jihad al-nafs, thumma le deuxième il viendra bi idnillah azza wa jalla. قال أفحين صار الأمر على هذا الوصف الذي ذكرته وصار الموقف حرجا تتخلى عن إخوانك المسلمين وتتخلف مع الجبناء والمخالفين كلام نفيس. Celui qui conseille الناصح il dit à منصوح الذي اغتر celui qui a faibli qui veut délaisser le din أفحين صار الأمر على هذا الوصف et quand la umma l'a faibli. On a beaucoup de problèmes à régler. Wa anta, tu veux nous laisser et rejoindre le kuffar? Est-ce que ça c'est de la fraternité? Est-ce que ça c'est de la rahma? Est-ce que ça c'est l'agissement de quelqu'un qui veut régler les choses? Abdan. Wa on le voit كذلك à notre époque. Si on reprend l'exemple des immigrés entre guillemets qui viennent ici en vacances et critiquent. كثير منهم اصلحهم الله. Telle chose elle va pas, telle chose elle va pas. Il critique. Thumma il retourne fi bilad al-kufr. Ta fadal, reste avec nous et on essaye de régler. Fulani conseille, otlob l'ilm, fait des efforts pour essayer de changer ta ville, ton quartier, ta famille. Hakadana, j'essaie de changer, wa fulan, il y aura du khayr. Amma des critiques pendant un mois de vacances. Thumma il retourne hunak. Hada la yasla. Hada, c'est pas kalam al-uqala. خاصة أن كثير من هؤلاء مثلا si tu prends l'exemple de la corruption ils critiquent أن certains pays musulmans ils prennent que la corruption ils sont pas justes أن en Europe il n'y a pas de corruption lui-même il vient ici il fait des infractions il ne respecte pas le code de la route et c'est le premier à donner الرشوة فهل هؤلاء ils ont du insaf là c'est pas comme ça qu'on règle les choses. Et là, on n'attend pas que Haoula y règle des choses. Haoula Masakin, ils n'ont pas de ilm, mais ils ont des faiblesses. Lakin, pour vous montrer le lien entre ce qu'elle aime et la situation d'aujourd'hui. C'est la même chose. Allez, là, on doit faire des efforts et montrer à Haoula. Qala fa kayfa ma'a dhalik tanzamu ila hizb al muharibin. Yaqulu la, après tout cela, les faiblesses de ta communauté, et tu les as vues, tu les as reconnues. Et tu te mets du côté de ceux qui nous combattent. Est-ce que هذا يعقل? قال الله الله يا أخي لا تكن أقل ممن قيل فيهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا. هذه الآية est descendue في المنافقين. قاتلوا قال الشيخ سعدي قاتلوا لأجل دينكم أو يدفعوا لأجل قومكم ووطنكم. قاتلوا في سبيل الله أي combattez في سبيل الله si vous voulez pas أو يدفعوا. Et au minimum, défendez qatilu li ajli dinikum ou idfa'u li ajli qawmikum watanikum. Et les munafiqoun, vu qu'ils ne font pas le jihad fi sabilillah, au minimum, défendez votre terre et vos familles. Si vous ne voulez pas faire fi sabilillah. Hala, c'est ça le معنى al-kalam. Qala, une faïda li l'imam al-Baghawi, rahimahullahu ta'ala, fi tafsirih, qala, ou idfa'u an ahlikum, wa harimikum, wa qala suddi, ay كثروا سواد المسلمين ورابطوا إن لم تقاتلوا يكون ذلك دفعا وقمعا للعدو. تفسير جميل. Et au moins, si vous voulez pas combattre fi sabilillah, au moins ne fuyez pas et défendez vos femmes, vos enfants, vos demeures ila akhirih. Au minimum, restez dans la ville hatta les kuffar ils voient qu'il y a beaucoup de monde. Et ils vous prennent pour des musulmans. Et peut-être que ça va les repousser. Ma'hadha al munafiq iyadan billah marid al qalb. Dès qu'il y a une épreuve, il se sauve. فلهذا قال عز وجل la suite du verset في سورة آل عمران قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قالوا لو نعلم قتالا si on aurait su qu'il y a vraiment un قتال on vous aurait suivi. Ça montre أن المنافق pense qu'à lui. On fait attention de ces awsaf. On prétend qu'il y a des problèmes dans les pays musulmans et dès qu'il faut régler, dès qu'il faut faire des efforts, l'insan il retourne هناك et critique de loin. عيادا بالله. قال لا تكن مثل هؤلاء المنافقين فأعيذك يا أخي من هذه الحال التي يرضاها أهل الديانات لا يرضاها أهل الديانات ولا أهل النجدات والمروءات أي il lui montre qu'on a fait attention à ce comportement à cette pensée أي que أهل الديانات ceux qui suivent الدين et كذلك qu'ils ont une personnalité un bon comportement ils acceptent pas هذا. قال فهل ترضى ان تشارك قومك في حال عزهم وقوه عددهم وعنصرهم وتفارقهم في حال ذلهم ومصائبهم وتخذلهم في وقت اشتدت فيه الضروره الى نصره الاولياء ورد عدوان الاعداء. Aïe, et à Kouloulah, pour finir, le premier point, est-ce que quand la communauté elle allait bien, tu étais musulman, tout se passait bien, et maintenant que la communauté elle va mal, khalas, tu délaisses les musulmans et tu vas voir les ennemis. Wa qala azza wa jal, wa lan tarda anka al-yahoud wa lan nasara hatta tattabi' millatahum. Et al-yahoud wa al-nasara, l'Occident, ils acceptent ce genre de personnes que s'il fait des concessions sur son thé. On parle ceux qui veulent vivre au Nak et montrer son din. Là, si tu veux montrer ton din là, ils te mettront des bâtons dans les roues. Et les frères et sœurs qui vivent fi al-kufr, ya'lamouna hada. Khassan, celui qui veut faire da'wa. Ils lui mettent des bâtons dans les roues, hatta yafshal, et il devient comme eux. Ça nous montre, annahum, et ils nous accepteront pas tant qu'on suit notre din. Falihada, hada rajoul, il a compris, falihada, il a délaissé le din, et il est parti au Nak. Et il a prétendu أنه ils l'ont accepté أنه ils font kada ila akhir. قال فهل رأيت قوما خيرا من قومك أو شاهدت دينا أفضل من دينك. Et conclut ce premier point avec cette question. Est-ce que tu as trouvé un qawm meilleur que le tien ou un din meilleur que le tien? لا شك أنه سلام. ثم المنصوح celui qui a été conseillé il va continuer à exposer ses shubah ses ambiguïtés. Et Al-Nasih, il va continuer à le conseiller. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-hidayah wa al-tawfiq. Naktafi bihada al-qadr. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alameen.